Le gouvernement travaille à la mise en place d'un conseil national des imams chargé de certifier leur formation. Mais puisque les temps sont à la réaffirmation de la laïcité, une question surgit dans le vif de l'histoire avec vous, Jean Lebrun. Est-ce que le message s'applique de la même manière aux différentes religions existantes en France? Je suis revenu à un livre d'entretien que j'avais commis il y a une vingtaine d'années, cher Bruno, oui. Avec René Raymond, notre vieux maître à sciences politiques. Ça s'appelait « La laïcité pour tous ». Et la question de la formation des imams était déjà sur la table. Alors Raymond proposait d'utiliser le ressort qu'offrait le statut concordataire de l'Alsace-Moselle. Il existe en effet à Strasbourg des universités d'État, de théologie catholique, protestante, qui mêle enseignement en sciences humaines et théologie. Une université musulmane aurait pu y être créée. La piste a été explorée et barrée. Cette histoire de la formation des imams est faite d'une série désespérante d'occasions manquées. Les responsabilités sont à partager. Les musulmans de France vivent dans la fragmentation. Or, Alsace-Moselle, les universités classiques n'ont, sauf exception, pas voulu se lancer dans l'aventure. L'Institut catholique de Paris s'y est hasardé, quasi seul. Et résultat, les imams d'un certain niveau, quand il leur arrive d'être formés en France, le sont dans une poignée d'établissements privés, Château-Chinon, Al-Razali. Une des difficultés tient à la cible du public qu'on veut atteindre, la catho, comme les deux établissements musulmans précités propose un enseignement au long cours à des personnes, notamment des femmes, qui ne deviendront pas imams. Les imams, quant à eux, qui exercent généralement un métier en parallèle, disent souvent avoir besoin d'une formation immédiate. 2 ans pourraient suffire pour apprendre à réciter le Coran, à connaître les dits des compagnons du prophète, le récit de sa vie. Oui, mais si on faisait enfin prévaloir l'interprétation des textes sur leur explication littérale, il en serait autrement. Et les imams d'un certain niveau exerçant en France ont donc été formés le plus souvent par des universités islamiques à l'étranger. Dans des pays où l'islam est dominant et quand ils arrivent en France, ils peuvent avoir l'impression de tomber dans une société permissive. Ils vont s'étonner de voir la République édicter des lois qui leur paraissent favoriser le désordre moral. Ils auront vite fait la traiter d'athée. Et en échange, la République va donc les soupçonner de constituer un corps étranger. René Raymond, j'ai noté que vous l'appelez René, à ce moment de sa réflexion sur la laïcité pour tous, rappelait que le clergé catholique avait été accusé des mêmes maux. Je ne me le serais pas permis, Bruno Duvic. Cependant, un compromis, disait René, assez libéral au final, a pu être trouvé en 1905. Sait-on que les évêques, par exemple, une fois désignés par Rome, ils doivent recevoir l'agrément du ministère de l'Intérieur et des cultes. La laïcité, ça peut être une foire d'empoigne, mais aussi l'établissement de convergence. Va-t-elle pouvoir rester la même pour tous? L'État ne reproche pas aux autres confessions que l'islam de faire appel à des responsables étrangers. En Seine-Saint-Denis aujourd'hui, la plus grande partie du clergé vient d'Afrique. Et combien de prêtres polonais œuvre-t-il de par le pays? Alors, inutile de dire que les uns et les autres peuvent avoir des conceptions assez rigoristes, par exemple sur la famille, et ça ne provoque l'émotion que de quelques fidèles qui s'en vont sur la pointe des pieds. On ne dit rien non plus quand, dans une méga salle de la plaine Saint-Denis, un pasteur évangélique, peut-être autoproclamé, prêche dans une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais, ni quand des maîtres bouddhistes venus de chez le Dalai Lama fondent des temples et des congrégations. Quand je demandais à René Raymond si, pour conforter les principes républicains, on aurait pu ajouter le mot laïcité à la devise liberté, égalité, fraternité, il répondait pourquoi pas. Mais comment le traitement particulier réservé à l'islam par la laïcité peut-il ne pas provoquer une rupture de l'égalité? C'est une très difficile question. Et le livre d'entretien s'appelait La laïcité pour tous, c'est textuel, mais je ne fais pas de publicité pour un livre sans doute épuisé. Je sais bien, mais voilà, pour ceux qui voudraient éventuellement le retrouver, vous avez le titre. Merci Jean Lebrun.